Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Les éditions Damaj ont le plaisir de vous présenter. Adorateur d'Allah, la fainéantise, l'absence de ferme résolution et le ramollissement dans la religion d'Allah, ainsi que le fait de ne pas s'y accrocher avec force, n'aident pas à faire le bien. Islahul Umma, réformation de la communauté. Donc quiconque voudra acquérir de la science sans détermination n'y arrivera pas. Une série de sermons d'Al-Jumu'ah portant sur différents thèmes tirés du Coran et de la Sunna. Soyez donc déterminés et fermes aux serviteurs d'Allah et faites preuve de sérieux et d'assiduité. Prêché par l'éminent savant Abu Abdirrahman Yahya ibn Ali al-Hajuri, hafidhahullah ta'ala. Donc ne sois pas une victime de la flémardise, ni une victime de la paresse, et tout ce qui t'empêche de poursuivre ta marche vers Allah tabaraka wa ta'ala. Dirigeant du centre d'études islamiques Darul Hadith al-Salafiyyat bidammaj au Yémen. Il est donc obligatoire aux musulmans de ne pas laisser son âme le perdre dans la résignation, car l'âme est assurément ordonnatrice de mal. Traduit et prêché en langue française par le frère Wahbi al-Tunisi. Et il faut aussi que chaque sunni consacre une partie de son temps dans l'étude de la science, dans les sciences du livre d'Allah, le Coran, ainsi que dans celle de la sunna de son messager, avec assiduité et de manière appliquée. Sermon numéro 26. Al-jidd wal-ijtihad fi talab al-ilmi. La détermination et l'assiduité dans l'étude de la science religieuse. Soyez déterminés et décidés, vous atteindrez sûrement vos objectifs. Nous demandons à Allah Azza wa Jalla que ce travail soit profitable à l'islam ainsi qu'aux musulmans. Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله Toutes les louanges sont à Allah. Nous le louons, implorons son secours et nous nous repentons à lui. Et nous nous réfugions auprès d'Allah contre les maux de nos âmes ainsi que contre nos mauvaises actions. Celui qu'Allah guide, nul ne peut l'égarer. Et celui qui l'égare, nul ne peut le guider. Et je témoigne qu'il n'existe de divinité digne d'être adorée qu'Allah seul, rien ne lui est égal. Et je témoigne que Muhammad est son serviteur et messager. Ya ayyuhal ladhina amanu attaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ô vous qui croyez, craignez Allah tel qu'il doit être craint et ne mourrez qu'en étant soumis. Ya ayyuhan nas, ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisaa'a واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Ô vous les gens, craignez votre Seigneur qui vous a créé d'un seul être, Adam, Adam, et qui à partir de celui-ci a créé son épouse Hawa, Ève, puis qui de ces deux-là a fait répandre sur la terre de nombreux hommes et femmes. Et craignez Allah au nom duquel vous vous implorez les uns les autres, et craignez de rompre les liens de parenté, certes Allah vous observe parfaitement. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Ô vous qui croyez, craignez Allah et ne parlez qu'avec droiture et justesse, afin qu'il corrige et améliore vos actions et qu'il vous pardonne vos péchés. Et celui qui obéit Allah et son messager a certes gagné une énorme récompense. أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ceci étant dit, la plus véridique des paroles est certes celle d'Allah, et la meilleure des voies à suivre est celle du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, et la plus mauvaise des choses concernant la religion est celle qui a été inventée, et toute chose inventée dans la religion est une innovation, et toute innovation est un égarement, et tout égarement mène en enfer. Ô vous les gens, Allah tabaraka wa ta'ala a dit dans son noble livre le Coran, Iqra wa rabbuka al-akram alladhi 'allama bil-qalam 'allama al-insana ma lam ya'lam. Lis, et ton Seigneur est le plus noble, celui qui a enseigné par le kalam, il enseigne à l'homme ce qu'il ne savait pas. Et il a été rapporté dans le recueil du récit authentique d'Al-Bukhari à propos de ce verset et en explication de ce dernier, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, au début de la prophétie, s'adonnait au culte d'Allah à travers la méditation, dans la grotte de Hira, durant plusieurs longues nuits successives, jusqu'à ce que l'ange Jibril Gabriel vienne un jour à lui et lui dise « Lis ». Le prophète lui répondit « Je ne sais pas lire ». Et l'ange Jibril de lui répéter « Lis ». Le prophète lui redit alors « Je ne sais pas lire ». Le prophète dit ensuite « Il me serra alors jusqu'à me couper le souffle ». Puis il me dit « Iqra bismi rabbika alladhi khalaq, khalaqa al-insana min alaq, iqra wa rabbuka al-akram alladhi allama bil qalam, allama al-insana ma lam ya'lam. Lis au nom de ton Seigneur qui a créé. Il a créé l'homme d'une adhérence. Lis. Et ton Seigneur est le plus noble, celui qui a enseigné par le kalam, il enseigne à l'homme ce qu'il ne savait pas. Il y a ainsi exposé dans ce verset, de la part d'Allah, que la détermination et la forte volonté influent sur l'être humain, avec la permission d'Allah, que cette volonté concerne l'accomplissement d'un bien ou d'un mal. Et l'imam muslim a certes rapporté dans son recueil de récits authentiques, le récit d'Abu Huraira, radiyallahu anhu, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, le croyant fort est meilleur et plus aimé auprès d'Allah que le croyant faible, et dans les deux il y a du bien. Convoite ce qui t'est véritablement profitable et implore le secours d'Allah et donne-toi les moyens et ne pense pas de toi que tu es incapable. Et si quelque chose venait à t'arriver, ne dis pas « si seulement j'avais fait ceci ou cela, la situation aurait été telle que ceci ou cela ». Mais dis plutôt « qaddar Allah wa masha'a fa'al » tel est le décret d'Allah et il fait ce qu'il veut. Il y a donc dans ce récit l'incitation à la résolution et à la fermeté dans l'obéissance d'Allah et la pratique de la religion d'Allah du premier commandement au dernier. Et le fait que la personne se ramollisse dès le début est contraire à la guidée du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et à sa recommandation faite dans le récit précédemment cité. Ô vous les gens, certes Luqman alayhi salam a dit à travers la parole d'Allah « Ya Bunay, aqimi s-salata wa'mur bil-ma'rufi wa'nha anil munkar wa'sbir ala ma asabak inna thalika min azmi l-umur wa la tusa'ir khaddaka lil-nasi wa la tamshi fil-ardi maraha inna allaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur waqsid fi mashyatika waghdud min sawtika inna ankar al-aswati la sawtul hamir. » Ô mon enfant, accomplis la prière, commande le convenable et interdis le blâmable, et endure avec patience sur ce qui t'arrive, telle est la résolution à prendre dans toutes les affaires. Et ne détourne pas ton visage des gens, et ne marche pas sur terre avec arrogance. Allah n'aime certainement pas ceux qui se paradent avec orgueil, mais sois plutôt modeste dans ta démarche, et baisse ta voix, car la voix la plus détestée auprès d'Allah est celle des ânes. Allah a ainsi exposé dans ces versets que la détermination, toute la détermination, et que la force, toute la force, sont renfermées dans l'obéissance d'Allah et dans son ferme établissement. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Certes, la force réside dans le tir ». Et ce récit qui a été rapporté de Uqba explique la parole d'Allah: wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwa wa min ribatil khayr turhibuna bihi aduwwallahi wa aduwwakum wa akharina min dunihim la ta'lamunahum Allahu ya'lamuhum wa ma tunfiqu min shay'in fi sabilillahi yuwaffa ilaykum wa antum la tudlamun. Et préparez pour lutter contre eux tout ce que vous pouvez comme force et cavalerie équipée afin d'effrayer l'ennemi d'Allah et le vôtre et d'autres encore en dehors de ces derniers dont vous n'avez aucune connaissance mais qu'Allah connaît, et tout ce que vous dépensez dans le sentier d'Allah vous sera rendu pleinement et vous ne serez point lésé. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous a ainsi exposé que la force réside aussi dans la préparation, que celle-ci soit matérielle ou non. Et dans le recueil de récits authentiques d'Al-Bukhari, d'après le récit d'Abu Huraira radiallahu anhu, d'après le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a dit: la force ne réside pas dans la violence ou la brutalité, mais la force réside plutôt dans le fait de contenir et maîtriser son âme contre l'énervement. Voilà donc en quoi consiste la véritable puissance, à savoir le ferme attachement à tout ce qui provient du livre d'Allah et de la sunna de son messager sallallahu alayhi wa sallam, sans le moindre vacillement. Voilà la vraie force. Allah a dit dans son livre saint: فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ. Puis après t'être décidé, place ta confiance en Allah. Certes, Allah aime ceux qui placent leur confiance en lui. Et Allah Azza wa Jalla a dit: وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ. Et pour celui qui endure et pardonne, car en vérité, cela fait partie des bonnes résolutions à prendre dans toutes les affaires. Donc prenez garde à la fainéantise et au ramollissement, aux serviteurs d'Allah. Prenez garde aussi de fréquenter les gens qui sont ramollis, car ces derniers ne sauront vous aider dans le bien dans cet état, ni ne pourront vous aider à vous maintenir dans la droiture et la soumission. Et certes, le maintien sur le droit chemin et la guider nécessite grandement de faire beaucoup d'efforts et de les multiplier, toujours dans l'optique de se préparer. Et la plus grande des préparations à ce sujet est ce sur quoi la religion d'Allah a été bâtie, à savoir la science et son apprentissage. Serviteur d'Allah, la personne flémarde n'incite pas et n'aide pas à agir dans l'adoration d'Allah à cause de sa paresse. Elle n'incite pas non plus à s'orienter vers la science ou tout autre domaine profitable, car il s'agit là de la caractéristique des hypocrites. Allah tabaraka wa ta'ala a dit: wa idha qamu ila salati qamu kusala yura'una an-nas wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Et lorsque les hypocrites se lèvent pour la prière, ils se lèvent avec paresse et par ostentation envers les gens, et ils n'invoquent Allah que très rarement. Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a certes recherché la protection d'Allah contre la paresse. Il a ainsi dit sallallahu alayhi wa sallam: ô Seigneur, je me réfugie auprès de toi contre l'incapacité, la paresse, l'avarice, la lâcheté et la décrépitude. Toutes ces caractéristiques sont mauvaises et blâmables. Garde-toi donc de ressembler aux hypocrites à travers elles, ô toi le musulman, en étant paresseux ou en manquant totalement de détermination dans l'accomplissement du bien, ou bien encore en fréquentant des gens mauvais, ou tout simplement à cause de ta propre personne, car il t'est obligatoire de te défaire de tout cela. Adorateur d'Allah, la fainéantise, l'absence de ferme résolution et le ramollissement dans la religion d'Allah, ainsi que le fait de ne pas s'y accrocher avec force, n'aide pas à faire le bien. Allah subhanahu wa ta'ala a dit: فَخُذْهَا بِقُوَّةِ وَأَمُرْ قَوْمَكَ يَأْخُذُ بِأَحْسَنِهَا سَأُرِيكُمْ دَارَ الْفَاسِقِينَ. Prends donc les tablettes avec fermeté, ô Moussa, Moïse, et commande à ton peuple de s'y accrocher de la meilleure des façons. Je vous ferai bientôt voir la demeure des pervers. C'est ainsi qu'Allah tabaraka wa ta'ala a dit à son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Certes, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, était, lorsqu'il faisait face aux polythéistes, ferme et disait avec courage et bravoure dans les situations les plus critiques et intenses, alors que les muslimounes étaient au bord de la défaite: « Je suis assurément le prophète, je suis le fils de Abd al-Muttalib. » fermeté, résolution et force devant les mécréants. Après que ses compagnons s'étaient enfuis autour de lui et qu'il ne restait plus qu'Abu Sofyan, Ibn al-Harith et l'Abbas, il resta ainsi fermement établi avec force, détermination et sang-froid face aux gens du faux et leur armée en criant « Je suis assurément le prophète, je suis le fils de Abd al-Muttalib ». Et il les provoquait seuls, montés sur sa mule, alors que dans de pareilles situations, les chefs des armées se dérobent par peur que ne les atteignent les lances et les flèches. Il en est ainsi serviteur d'Allah. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam entendit une nuit un étrange et effrayant bruit lointain à Al-Médine, Médine. Il se leva alors, monta sur un cheval qui appartenait à Talha et s'empressa d'aller voir seul de quoi il s'agissait alors qu'il était en partie dévêti. Les gens se levèrent ensuite. C'est alors que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam revint et leur dit « N'ayez aucune crainte ». Puis il dit à propos du cheval « Je l'ai trouvé rapide ». Et parmi ce qui prouve la détermination qu'avec le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dans l'adoration, il y a qu'il priait la nuit jusqu'à ce que la peau de ses pieds se fissurait. On lui dit alors « Allah t'a certes pardonné tous tes péchés, passés et futurs ». Parole à laquelle il rétorqua « Ne serais-je pas ainsi un serviteur reconnaissant ?» Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam était donc ferme et résolu, tout comme l'était l'ensemble des messagers. Allah tabaraka wa ta'ala a en effet dit Fasbir kama sabara ulul azmi min ar-rusul wa la tasta'jil lahum ka'annahum yawma yarawna ma yu'adun lam yalbathu illa sa'atan min nahar balagh fahal yuhlaku illa al-qawm al-fasiqun. Endure donc, ô toi Muhammad, comme ont enduré les messagers les plus fermes, et ne t'empresse pas de les voir subir leur châtiment. Le jour où ils verront ce qui leur a été promis, il leur semblera n'être resté sur terre qu'une heure d'un jour. Voilà un message clair qui sera donc anéanti, sinon les gens pervers. Donc quiconque voudra acquérir de la science sans détermination n'y arrivera pas. Et quiconque souhaitera être bien guidé sans résolution ferme ni volonté n'y parviendra aucunement. Salman al-Farisi, radiyallahu anhu, rechercha la guider avec détermination et force année après année, voyageant de contrée en contrée, jusqu'à ce qu'Allah lui accorda le succès et la réussite. Et Anas ibn Nadr a dit « Je me suis absenté lors de la première guerre sainte à laquelle participa le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Eh bien, si Allah me permettra de participer à la prochaine guerre, Allah témoignera de ce que j'accomplirai. » Puis lorsque vint le jour d'Ohud, il dit « Oh Seigneur, je me désavoue de ce qu'ont fait ces gens-ci et je m'excuse auprès de toi de ce qu'ont fait ces gens-là. » C'est-à-dire qu'ils s'innocentaient des mécréants et s'excusaient de l'erreur qu'avait commise une partie des muslimounes lors de ce combat en rebroussant chemin. Il fit ensuite face aux polythéistes et les combattit jusqu'à être tué. Ce qui nous intéresse dans ce récit est cette détermination dont avait fait preuve ce compagnon depuis le début jusqu'à ce qu'il remplisse son engagement durant cette bataille. Sa'd ibn Mu'adh dit par la suite « Je n'ai pu en faire autant que lui », c'est-à-dire qu'il avait essayé de faire comme lui sans y parvenir. Soyez donc déterminés et fermes aux serviteurs d'Allah et faites preuve de sérieux et d'assiduité dans son obéissance ainsi que dans ce qui aide à avancer dans ce sens. Car la paresse et le fait de fréquenter des gens paresseux et d'autres types de personnes comme ceux qui s'accrochent à cette dunya et convoitent ses biens, de même que les gens de l'innovation et ceux qui fabulent dans la religion, qui dissuadent et découragent d'avancer et de progresser, tout cela n'aide en rien quant à l'accomplissement du bien et il n'en découle aucun bien. Et les compagnons du messager d'Allah, ridwanullahi alayhim, ne s'engourdissaient pas dans le fait de prendre de la science du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Ainsi, si l'un d'eux venait à être occupé, il envoyait un autre prendre la science. Puis lorsque ce dernier revenait, il dictait au premier tout ce qu'il avait appris, le tout avec zèle, application et sérieux dans le fait de prendre de la sunna du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, au point d'être content lorsqu'un bédouin venait interroger le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, car ils espéraient en cela en tirer profit, dû à leur ferme résolution et leur assiduité à ce sujet. Il est donc obligatoire aux musulmans de ne pas laisser son âme le perdre dans la résignation, car l'âme est assurément ordonnatrice de mal, excepté pour celle à qui mon Seigneur aura fait miséricorde. Elle penche vers l'engourdissement et le repos. Elle penche également vers la cupidité et la convoitise des biens matériels de cette vie présente, de même qu'elle s'incline vers la paresse et l'absence d'effort dans l'acquisition de la science et de patience dans sa recherche. أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. Et nous avons fait de certains d'entre eux des dirigeants qui guidaient les gens selon notre ordre aussi longtemps qu'ils enduraient et croyaient fermement à nos versets. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أما بعد. Toutes les louanges sont à Allah. Nous le louons, implorons son secours et nous nous repentons à lui. Et nous nous réfugions auprès d'Allah contre les maux de nos âmes ainsi que contre nos mauvaises actions. Celui qu'Allah guide, nul ne peut l'égarer, et celui qui l'égare, nul ne peut le guider. Ceci étant dit. Et dans les deux recueils de récits authentiques d'Al-Bukhari et de Muslim, dans le récit de la mère des croyants Aïcha radiallahu anha, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, après avoir été informé au sujet d'une femme qui accomplissait beaucoup d'actes d'adoration, « Cessez d'agir de la sorte, n'accomplissez de bonnes œuvres que selon votre capacité, car certes Allah ne se lasse pas de vous rétribuer pour vos bonnes actions jusqu'à ce que vous vous lassiez d'en accomplir. » Et notre témoin dans ce récit est cette dernière phrase. Ainsi, tant que l'individu reste constant dans l'accomplissement du bien, Allah lui accorde sa grâce, subhanahu wa ta'ala, et l'aide à se maintenir sur cette voie. Allah, tabarak ismuhu, a en effet dit, comme cela a été rapporté dans le hadith Qudsi, quiconque se rapproche de moi d'un empan, je me rapproche de lui d'une coudée. Et quiconque se rapproche de moi d'une coudée, je me rapproche de lui d'une brasse. Et quiconque vient à moi en marchant, je viens à lui hâtivement. C'est ainsi qu'Allah a dit, subhanahu wa ta'ala, comme dans ce récit Qudsi, d'après Anas, rapporté par Al-Bukhari, dans son recueil de récits authentiques. Et le prophète, sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam, a certes dit, à toute action est associé un préjudice, et tout préjudice à une accalmie. Donc quiconque sera sur ma sunnah lors de cette accalmie sera sauvé, et quiconque sera sur autre chose courra à sa perte. Et combien de personnes étaient assidues dans le suivi de la sunna et étaient constantes dans sa pratique durant un long moment, puis se sont engourdies et ont été victimes de leur engourdissement. Wala hawla wala quwwata illa billah. Donc ne sois pas une victime de la flemmardise, ni une victime de la paresse et tout ce qui t'empêche de poursuivre ta marche vers Allah tabaraka wa ta'ala. Et soyez déterminés et décidés aux serviteurs d'Allah. Et accrochez-vous et maintenez-vous fermement sur ce sur quoi vous vous trouvez, quand bien même il s'agirait d'une petite œuvre. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a en effet dit, soyez déterminés et décidés, vous atteindrez sûrement vos objectifs, et profitez du début de la matinée et de la fin de la journée et aussi d'une partie de la nuit. Tant que la personne chemine vers Allah avec constance et régularité dans l'accomplissement d'œuvres pieuses, même si celles-ci étaient peu nombreuses, sachez alors qu'il y a de la baraka en cela. Pareillement à la pratique de la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, la tradition prophétique dans laquelle il y a aussi de la bénédiction. Et cela est bien meilleur que de s'employer dans l'accomplissement de bid'ah, d'innovations religieuses, quand bien même leur nombre serait élevé. Serviteurs d'Allah, il s'agit là d'une affaire qui doit être parfaitement comprise et assimilée, et à laquelle tous les gens doivent être appelés. Et il faut aussi que chaque sunni consacre une partie de son temps dans l'étude de la science, dans les sciences du livre d'Allah, le Coran, ainsi que dans celle de la sunna de son messager, avec assiduité et de manière appliquée, car les gens sont dans un grand besoin qu'on leur enseigne le sens des versets de la sourate Al-Fatiha, et ont un fort besoin qu'on leur apprend le chapitre Juz Ammah du Coran. C'est là une affaire par laquelle doit se sentir concernée toute personne de droiture et pour laquelle il doit se préparer. Et cette affaire n'est pas des plus faciles par Allah. Et le nombre des prédicateurs qui appellent au trouble et au désordre a certes augmenté, de même que les prédicateurs qui appellent au faux, et nul n'est en mesure de leur faire face véritablement, si ce n'est celui à qui Allah aura accordé la réussite et aura fermement établi sur le chemin du talab al-ilm, le chemin des études religieuses, et qui se sera préparé avec détermination et force en ayant la ferme conviction qu'Allah tabarakasmuhu lui octroiera la réussite et le succès. Et aussi concernant la robustesse dans la vérité, il a certes été rapporté dans les sunan, les quatre recueils de récits d'Abu Daoud, d'At-Tirmidhi, d'An-Nasa'i et d'Ibn Majah, le récit d'Al-Irbad ibn Sariyya radiallahu anhu, qui a dit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous exhorta un jour après la prière de l'aube d'une exhortation éloquente qui fit couler les larmes larmes et toucha les cœurs. Un homme dit alors, « Ce sermon ressemble à l'annonce de l'approche de ta mort. Que nous conseilles-tu donc, ô messager d'Allah ?» Il dit, « Je vous conseille la crainte d'Allah et la soumission et l'obéissance au gouverneur, quand bien même il s'agirait d'un esclave, car celui d'entre vous qui vivra verra beaucoup de désaccords et de divisions. Quiconque atteindra cette époque, qu'il s'accroche donc à ma sunna, ainsi qu'à celle de mes successeurs bien guidés après moi, mordez-y avec vos molaires et prenez garde aux innovations religieuses. » Nous tirons comme profit de ce récit l'exhortation à se maintenir sur la vérité et à s'y accrocher avec vigueur, car cela est louable et très méritoire auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala et des gens pieux, tandis que la consistance dans le faux, elle, est condamnable. Et nous nous réfugions auprès d'Allah contre les maux de nos âmes ainsi que contre nos mauvaises actions. Alhamdulillah.